Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 29. De la haine. Cause et objet de la haine. L'amour cause de la haine. La haine est-elle plus forte que l'amour? Peut-on se haïr? Est-on la vérité? 1. Le mal est-il la cause et l'objet de la haine? Tous les êtres, doués d'attrait et de sympathie pour ce qui convient à leur nature, ont aussi de l'éloignement et de la répulsion pour tout ce qui lui est contraire, de là deux phénomènes qui se traduisent, l'un par l'amour, l'autre par la haine. Suivant cette loi universelle, l'amour résulte de l'harmonie qui s'établit entre l'appétit même et un objet qui lui paraît convenable, la haine, au contraire, provient de l'antipathie de l'appétit pour tout ce qui lui paraît nuisible. Puisque tout ce qui convient présente, sous ce rapport, la nature d'un bien, et que tout ce qui répugne offre, par cela même, la nature d'un mal, le bien est la cause et l'objet de l'amour, au lieu que le mal est la cause et l'objet de la haine. Note. La haine, dit Bossuet, est une passion d'éloigner de nous quelque chose. Fin de la note. 2. L'amour est-il la cause de la haine? Toutes les affections de l'âme, dit saint Augustin, ont leur cause dans l'amour. En effet, on ne hait que ce qui est contraire à un bien que l'on aime, comme l'amour est, au fond, la cause de l'aversion qu'on ressent pour ce qui est opposé aux biens aimés. Toute haine, en réalité, est produite par l'amour. Note. Du moment que l'on aime une chose, on est par là même la chose opposée, c'est ainsi que l'amour du bien enfante la haine du mal contraire. Fin de la note. 3. La haine est-elle plus forte que l'amour? L'effet ne peut être plus fort que sa cause. La haine, qui est l'effet de l'amour, n'est pas plus forte que l'amour, même, celui-ci, au contraire, est plus fort que la haine. En nous éloignant d'un mal, nous avons pour but d'arriver à un bien, or, nous tendons avec plus de force vers la fin que vers les moyens. Ainsi notre volonté a plus d'énergie dans son amour pour le bien que dans sa haine pour le mal. Si la haine semble quelquefois plus forte que l'amour, cela provient, premièrement, de ce qu'elle agit plus ostensiblement, et, en second lieu, de ce qu'on la compare souvent à un amour qui ne lui correspond pas. 4. Peut-on se haïr soi-même? On pourrait le croire en voyant tant d'hommes aimer l'iniquité, et tant d'autres se donner la mort. Cependant l'apôtre nous assure le contraire, personne, dit-il, n'a jamais haï sa propre chair. Éphésiens 5, 29. Tout être désire naturellement son bien. Or, vouloir du bien à quelqu'un, c'est l'aimer, donc il est nécessaire qu'on s'aime soi-même. Partant, il est impossible qu'on se haïsse directement et d'une manière absolue. Mais, indirectement, cela est possible de deux manières. Premièrement, du côté du bien que l'on se veut, si ce bien, quoique relatif, est mauvais absolument, de telle sorte que, par le fait, on se veut du mal, ce qui est se haïr. Secondement, par rapport à notre propre personne, car, ce qu'il y a de plus élevé dans les hommes, c'est l'âme qui les représente, comme le roi personnifie la cité. Lorsque quelques-uns estiment avant tout leur corps et leur sens, il arrive que, s'aimant de la façon qu'ils s'estiment, ils haïssent ce qu'ils sont véritablement. C'est ainsi que celui qui aime l'iniquité se hait lui-même, en recherchant ce qui est contraire à la partie raisonnable de son être. Note. On ne se veut et on ne se fait du mal qu'en vue d'un bien, Celui-là même qui se suicide considère la mort comme un avantage, en ce sens qu'il y voit le terme de ses maux et de ses douleurs. Fin de la note. 5. Peut-on haïr la vérité? Il le paraît, d'après saint Paul, qui écrit aux Galates 4, 16, « Je me suis fait votre ennemi en vous disant la vérité. » On ne hait pas la vérité en général, elle plaît par elle-même, mais on hait une vérité particulière qui contrarie. L'homme voudrait parfois que ce qui est vrai ne le fût pas, parce que la vérité le gêne dans ses penchants ou dans ses vices. D'autres fois, il voudrait ignorer la vérité pour pécher plus librement, à la façon des impies qui disaient « Nous ne voulons pas connaître vos voies ». Job 21, 14. Souvent aussi, il est fâché que la vérité qui le concerne soit manifestée. Ces raisons nous expliquent ce que nous dit saint Augustin, les hommes aiment la vérité qui les éclaire, mais ils haïssent la vérité qui les condamne. 6. Peut-on haïr certaines choses en général? Le philosophe a répondu, la haine peut avoir pour objet certains êtres en général, on est le voleur et le calomniateur. La brebis, en effet, est non seulement tel loup, mais le loup en général. De savoir comment la haine qui réside dans la partie sensitive peut se rapporter à des choses générales, cela s'explique par la considération que les puissances sensitives peuvent rencontrer dans les êtres une propriété commune qui leur est contraire, sans être restreinte à la détester dans tel être en particulier. Pour la haine qui réside dans la raison, elle s'attache encore mieux à une idée générale, parce qu'elle suit les perceptions universelles de l'esprit. markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.